Audiomatique. Thank you. Le voile a été levé sur la transmission 087 d'Audiomatique au son de la musique du groupe allemand Phallus DI et leur chanson On Aloneness de leur quatrième album Pornocrats, paru en 1994. Un son, une séquence, un rythme, voilà trois éléments qui permettent aux électronistes d'exister. Sans son, c'est le néant. Sans séquence, il n'y a pas de temporalité. Et sans rythme, il n'y a pas de battement et donc pas de vie. Sans musique, l'existence ne serait que bruit, que moment désordonné et qu'impulsion. Mais il y a la musique. Et quand l'existence semble inerte, le rythme nous tient en vie, la séquence nous permet de passer d'un moment à l'autre et le son remplit le vide. C'est ainsi que les électronistes, de semaine en semaine, trouvent la motivation pour se réunir afin de partager avec leurs auditeurs ces trois éléments vitaux que sont le son, la séquence, le rythme. Suivons dans cet état d'esprit la musique de la formation montréalaise SEPA avec sa pièce Retox. Tes cris me déchirent marque et nous lève. Sur la peau, une blessure. En hommage, des carrés. Victor. Victor. La séquence de deux pièces se terminait sur la musique du projet Grita Lobos, de qui nous écoutions la pièce Any Mortal, parue sur son album homonyme. Et avant Grita Lobos, c'était la formation montréalaise SEPA, composée des artistes Marie Davidson et Pierre Guérineau. De leur nouvel album intitulé « Demain est une autre nuit », nous entendions la pièce « Retox ». Nous revenons à la vocation première d'Audiomatique, soit la musique, en vous présentant le groupe allemand Project Pitchfork. Yeah. c'est le 89.9. C'est fou. C'est fou. Tout juste avant l'entracte publicitaire, les électronistes vous présentaient le défunt duo torontois Thrive et la pièce The Hollow Man Remix de leur album Sophistry. Et pour débuter ce segment, le groupe allemand Project Pitchfork nous offrait la chanson Self-Knowledge de leur mini-album Corps d'amour, lancé en 1995. Les artistes Steve Roach et Robert Logan ont collaboré pour nous offrir une diade, soit les deux albums intitulés respectivement Biosonic et Second Nature. Différents dans leur essence, le premier, Biosonic, propose une excursion dans une musique IDM avec une approche axée sur la science-fiction, alors que le second, Second Nature, transporte l'auditeur dans des ambiances vaporeuses agrémentées de mélodies jouées au piano. Donc, de cette collaboration, découvrons la pièce de Biomechanoid Lifestyle Revealed de l'album à tendance plus IDM, Biosonic. Othaker, nous entendions la pièce New Bound tirée du mini-album Hell Event, qui est un complément à leur album Exile sorti en 2013. Notez qu'Othaker vient tout juste de faire paraître un nouvel album en format numérique uniquement intitulé Hellsec 1-5 et qui remplit l'équivalent d'environ 4h30 minutes de musique. Et avant Othaker, c'était la collaboration entre Steve Roach et Robert Logan, collaboration de laquelle émane la pièce de Biomechanoid Life Cycle Revealed, la pièce que nous avons entendue et qui est tirée de l'album Biosonic paru tout récemment. La finalité de cette transmission 087 d'Audiomatique sera atteinte lorsque la pièce Power du projet ADOC aura révélé sa dernière sonorité. Rappelons que le projet ADOC est le pseudonyme de l'artiste canadien Dwayne Gottle, membre fondateur de Skinny Poppy, qui est malheureusement décédé à l'âge de 31 ans en 1995. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain pour la transmission 088 d'Audiomatique. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre profil facebook.com/audiomatique.cfou afin d'avoir accès à toutes nos anciennes transmissions, ce qui équivaut à peu près à 87 heures de musique électronique. Voici donc en conclusion ADOC avec sa composition Power. Que la semaine qui vous séparera de la prochaine transmission d'Audiomatique soit bonne et aguichante musicalement. Thank you. frequencies into your brain. Combination sound frequencies.